Aujourd'hui je regarde pas le passé. J'ai une envie de me faire masser, de faire le belin et me casser. Ça y est, ici ça m'a lassé. Lassé, je me déplace sur la lune au-dessus de la classe. Maintenant vous me faites de la place. Avant j'étais dernier de la classe. Je me fends toujours dans la masse. Même si je baise et que je brasse, tant que moi je laisse ma trace. Vas-y là, je t'offre pas le crasse. Après tu veux coincer des avions de chasse. T'es plein de manières et j'en passe. Je trace, je passe des heures à regarder la mer, à penser à la vie, à la mort. Je m'en fume un, je suis plein de nerfs. Avec l'équipe on mange, on a vu sur le nord. Je souhaite à tous mes potos de finir millionnaire, d'acheter la maison à leur mère, de sortir de la galère leur frère. C'est possible qu'ils aient de leur faire. J'ai jamais joué le voyou, jamais foutu la merde à noyau. En plus pour pas un caillou, y'en a ils sont pas loyaux. Pétard mitec, pas de café, j'ai faim mon label comme café. Et je fais jamais le gavé, j'sors du pavé. J'ai jamais joué le voyou, jamais foutu la merde à noyau. En plus pour pas un caillou, y'en a ils sont pas loyaux. Pétard mitec, pas de café, j'ai faim mon label comme café. Et je fais jamais le gavé, j'sors du pavé. C'est des pégros, y'a pas de blues, y'a pas de trips. Mon sang tu dis jamais rien, ouais. Tout le temps il faut qu'on te décrive. J'ai grandi avec les sirènes et les cris, ouais. Moi quand je vois quelque chose je l'écris, ouais. Ils sont bizarres les gens, je les crains, ouais. Pour l'argent ils te passent la crème. C'est nul, des fois faut faire des crises. Je crois pour que les gens ils te craignent. Je passe des heures à regarder la mer, à penser à la vie, à la mort. Je m'en fume un, je suis plein de nerfs. Avec l'équipe on mange, on a vu sur le nord. Je souhaite à tous mes potos de finir millionnaire, d'acheter la maison à leur mère, de sortir de la galère leur frère. C'est possible qu'ils aient de leur faire. J'ai jamais joué le voyou, jamais foutu la merde à noyau. En plus pour pas un caillou, y'en a ils sont pas loyaux. Pétard mitec, pas de café, j'ai faim mon label comme café. Et je fais jamais le gavé, j'sors du pavé. J'ai jamais joué le voyou, jamais foutu la merde à noyau. En plus pour pas un caillou, y'en a ils sont pas loyaux. Pétard mitec, pas de café, j'ai faim mon label comme café. Et je fais jamais le gavé, j'sors du pavé. J'ai jamais joué le voyou, jamais foutu la merde à noyau. En plus pour pas un caillou, y'en a ils sont pas loyaux. Pétard mitec, pas de café, j'ai faim mon label comme café. Et je fais jamais le gavé, j'sors du pavé. J'ai jamais joué le voyou, jamais foutu la merde à noyau. En plus pour pas un caillou, y'en a ils sont pas loyaux. Pétard mitec, pas de café, j'ai faim mon label comme café. Et je fais jamais le gavé, j'sors du pavé.